Brincula, checa de su ben, porta d'argent que la festa s'entancia. Brincula, checa de su ben, porta d'argent que non en a rien. Ai fa l'amour, la vole pas pu faide, ai trop ai man, ai pa mai avançat. Brincula, checa de su ben, porta d'argent que la festa s'entancia. Brincula, checa de su ben, porta d'argent que non en a rien.